gaffe car le 9-5 va s'active. Désormais une idée dans ta face me crache et ça s'anime. Impossible d'esquiver notre but, première attaque. Alors subis la balle, tu chez d'un team le pack. Pour te battre, ici bas tout n'est pas permis. T'as bien te faire taper dessus, chez nous tu seras bien servi. C'est la fête dans la clé, si les dimanches les brigands se font, c'est pour pas les gueules. Wesh le first night, le 9-5 déboule en pole position. Tu voulais qu'il fait du bon rap, on voit le comité en ébullition. Tu danses avec les lourds, tu flirtes avec la mort. Jérôme et le pitbull, seul reine la loi du plus fort. Pourquoi, pour qui, toi c'est qui et qui sur MIC. Je viens puis défoncer le wax pour ma famille. Vas-y c'est bon je m'arrache de la première piste. Longuer la liste des MC qui te croient un acte terroriste. Laisse donc le mic au type qui représente le 9-5. 1-7-0 à l'arrivée y'a pas photo. J'enfile mes choux, je planque le douce et soit tu me suis ou tu bouges. Mon poissy est en route une fois de plus, pas de coup. Organisé telle une armée, toujours prêt à riposter. Ma section est divisée, le secteur est quadrillé. Le RKO au mic n'oublie personne, représente voix de la grange famille. Poitiers, bitch, j'avertis, j'ai qui sans préavis. Un seul faut pas chez moi et c'est la merde. Garantie, j'garantis pas que pour toi, laisser mon trou reste facile. Armée d'un MIC, nos gars ont la gâchette facile. C'est le moment de pérage, je fais Harakiri. Passons à Kirakiri. Dans mon dos, sauveur à dame et comme Akiri. Paris sans le pourri. Par ici, j'en vois beaucoup qui jouent les cœurs ici. J'avais rivari, mes rimes me foutent la merde. Tu se traques, c'est pour te faxer. Mais pensez, ne crois pas que c'est du bluff. On est fond qui m'est pourtant loin d'être sain. Pour le 9-5, j't'ai un peu bluff. Trunk à la santé de mes bains. Wesh les soundboys. Un break que j'attendais ça. Des tons de poussins et qu'un échantillon de ces jurisières voit l'avenir. Autant vous dire que certains MC peuvent déjà chier dans leur frappe. Veuille la barre et dans la place pour envoyer les faux se faire fuck. C'est le 9-5 qui arrive dans la place. C'est le 9-5 qui te frappe dans ta face. C'est le 9-5 qui arrive dans la place. C'est le 9-5 qui te frappe dans ta face. C'est le 9-5 qui arrive dans la place. C'est le 9-5 qui te frappe dans ta face. C'est le 9-5 qui arrive dans la place. C'est le 9-5 qui te frappe dans ta face. Pour mon coup le comité frappe pour mon bossy. Le 9-5 à 7-0 te plaque comme au rugby. Ouais mon quartier là dessous toujours traîné dans les alentours. Respecte mes homies, serrer les tasses et les faire les tours. J'en profite puis t'explique le principe du 9-5. Je représente la nouvelle école, le bal doit c'est tous mes pingues. Dans mon quartier, j'ai trimé pour sortir de la galère. Maintenant je viens dénoncer toutes les injustices portées à mes frères. Ma clique, voler pour du fric, pour pas se faire les couilles en or. Sortir des halls crâne, lâcher les mêmes murs qui puent la mort. Wesh wesh, une fois de plus j'arrive, allume la mèche. C'était le Wolf Boy, il venait balancer ses mots comme des flèches. Oh comme trois bombes, les gars qui sont des mauvais garçons. Ils n'aiment pas l'école, ils préfèrent fumer les chichons. Pour les 9-5-1-7, voilà le 10 mai. Celui qui prend son micro pour un classe bien aiguisé. Sur le freestyle, puis fous ma pagaille. J'suis le mec qui fait du business pour avoir de la maille. Mon objectif, avoir un compte en banque bien rempli. Rouler en Mercedes, c'est comme passagère que des ladies. Tu vois bien, mon style frappe comme les points de Tyson. Ça résonne lorsque dans ma tête des rimes de cartonne. Je ne veux pas qu'on pense que sur le micro je me la pète. Mais comme dans Street Fighter, je ne fais que des perfects. Ouais, le 9-5-1-7-0 arrive pour couler. Les MC game trop souvent se la raconter. Je t'en bouge quand, dis-moi si tu veux, mais surtout ne voulez pas. T'as pas cette balle pour descendre ma city. D'ailleurs, on va trop de possigas. Trop de lascar, attends d'en bas. Reçu 5 sur 5, un gros passe le relais. Fais des tours comme un 3 fois, tu me connais. Ce que je veux, tu le sais, y'a pas de mystère. J'flingue, viens faire un tour dans ma rue et vois du corps chelingue. J'suis l'MC qui est faut je l'ai éclair à go. Passe moi un drone que j'balance pour le 9-5. C'est caché, je te vois comme de meuf sur le pénacat. Tu connais pas mon quartier, gars, alors écoute ça. Tout, tout, tout, vous serez tous sur ma city. C'est du pur produit, du 9-5-1-7-0 pour ta chaîne IV. 9-5-5-1-7-0, je sors de mon ghetto pour poser ma voix en studio. Je m'en bats les couilles du large public, je reste vrai, question d'éthique. Je nique d'office la maman de ceux qui critiquent. Parental adversary, SPC de mix. Connu à la fois méconnu du service de police. Je pas moi, c'est leur à base de piste pour ne plus. Laquelle on m'appelle Fino la malice. Le commissaire divisionnaire était trop vénère. Il a envoyé ses hommes pendant les répétitions d'un concert. Walking down the street, smoking endo. C'est une cronambour. Relax. Laisse-moi m'enfumer la race. Degré ou de force,